Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du Web 2.0. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 5. Bonjour à tous et bonjour William, bienvenue pour ce cinquième numéro des Projets du Web. Avant de commencer, je voulais évoquer deux, trois petites choses qui m'ont fait plutôt plaisir et je pense que William aussi d'ailleurs. C'est l'explosion des téléchargements et des inscriptions au podcast depuis le dernier numéro. J'ai quelques chiffres sous la main, entre autres 525 téléchargements pour la première semaine de janvier et 243 visites sur le site. Donc on est très content de ce retour après cet épisode, donc on espère que vous allez continuer à nous suivre nombreux et surtout continuer à faire de la pub parce que ça nous aide beaucoup. Donc merci à tous, je voulais faire ça avant de commencer l'émission. Et surtout, je voulais dire qu'aujourd'hui, on avait un invité très spécial qui va nous présenter son projet qui s'appelle Productive.com. Il s'appelle Jérémy Nkawa. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu, bonjour William. Alors c'est ça, Jérémy Nkawa pour la société Productive.com. Voilà. Donc on va l'interviewer sur son projet après la présentation des différents projets de ces deux semaines. Mais bien évidemment, tu peux prendre la parole à tout moment si des projets t'évoquent quelque chose ou si tu as envie d'en parler. Donc n'hésite pas à prendre la parole. Je vais commencer tout de suite avec Silentel.com. Silentel.com, c'est en gros, c'est un site qui vous permet de centraliser différents réseaux sociaux, mais pas que. Il y a aussi vos adresses email, vos chats, tout ça. Donc, il y a plusieurs services, les emails, Facebook, AOL, Yahoo, Google Apps, Hotmail, Live Messenger, Twitter et LinkedIn. Tout ça, vous pouvez le centraliser sur ce site. Et en gros, après, vous avez ça constitue une timeline avec ces différents services. Donc, vous avez sur cette timeline toutes les informations qui sont affichées en temps réel. Vous avez en même temps quelque chose de très important qui est la centralisation des carnets d'adresses de ces différents services. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir un carnet d'adresses très complet avec toutes les informations centralisées et très bien rangées. Vous pouvez faire des recherches beaucoup plus rapides. Et donc voilà. Et ensuite, un autre point très important, c'est la recherche dans tous ces services qui sont connectés à Silentel. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez parlé, par exemple, il y a deux semaines avec quelqu'un. Vous avez parlé d'un restaurant ou je ne sais quoi. Et vous ne savez plus si c'est sur Facebook, si c'est sur MSN, si c'est sur Twitter. Vous allez simplement sur Silentel. Vous mettez quelques mots-clés. Et en gros, il fait une recherche avec une rapidité assez impressionnante dans tous ces services et vous donne les résultats en direct. Ça vous fait gagner un temps fou. Je ne sais pas si Comfist a pu l'essayer parce qu'en fait, c'est un projet qui est en bêta-test fermé pour le moment, mais il vous suffit de rentrer votre adresse email et en général, vous recevez une invitation sous 3 semaines maximum. Et donc, William, tu n'as pas pu l'essayer, je crois, parce que par manque de temps. Jérémy, est-ce que tu connaissais ce service, toi, avant ? Alors, j'avais vaguement entendu parler de Silentel. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et nous, ça nous concerne un peu, puisque c'est énormément dans le domaine de la productivité, finalement. Mmh, ouais. Et ça correspond énormément à tout ce qui se fait aujourd'hui, l'agrégation de tous ces flux. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais à Productive aussi, on a une optique qui est assez similaire. Agréger les flux pour devenir une place centrale ou en tout cas retrouver tous ces flux de travail. Donc, c'est vrai que là, c'est assez intéressant et ça correspond vraiment à un usage, en fait, surtout quand on travaille, en fait, qui me paraît extrêmement intéressant. Là, je pense qu'en l'occurrence, ce projet cherche plus un usage pour les particuliers, contrairement au vôtre. Enfin, j'ai plus l'impression de voir qu'il s'oriente vers ça, parce que c'est des services, à part LinkedIn, qui sont plutôt personnels. Alors, ouais, c'est possible, mais moi, là où je pense qu'il peut aussi devenir intéressant pour les professionnels, c'est que, c'est peut-être pas le cas dans toutes les entreprises, mais dans beaucoup d'entreprises ou de start-up, on utilise beaucoup le Gtalk ou le MSN ou même le Facebook pour communiquer. Et ça peut être intéressant. Moi, je voyais ça dans cette optique, mais en effet, ça semble plus correspondre à des usages, on va dire, Private. Ok. Bon, bon bah pour Silent Hill, en tout cas, on vous le recommande fortement. Ça vous permet de gagner un temps fou. Donc faites votre demande de bêta test. De toute manière, je crois que ça doit être la fin de la bêta test. Ils vont bientôt ouvrir le produit à tout le monde. Donc William, je te laisse la parole pour le deuxième projet de cette fois-ci. Alors pour ce projet, ça va être un double projet finalement. On va parler de guitare improvisation et donc de Tux Guitar. Donc guitare improvisation, donc on nous expliquait un petit peu comment, tout simplement comment jouer, apprendre les notes, les différents styles de partition, etc. Et surtout comment jouer en improvisation, c'est-à-dire ne pas bêtement recopier une tablature et juste jouer, savoir jouer que ça. C'est savoir jouer tout seul finalement, en apprenant tout seul. Et le second lien, ça va être Tux Guitar, c'est un petit peu différent. C'est justement là quand on a des tablatures trouvées sur le net, par exemple sur 911 Tab ou des sites comme ça. Ouais, ou l'ultimate guitare, quoi. Ouais, moi je sais qu'il y a Bassmata aussi pour les guitares basses. Et donc là en fait, c'est un logiciel. Il nous faut la machine Java par contre pour le faire tourner. Et on n'a pas besoin en fait d'installer le logiciel sur son PC à l'image de Guitar Pro. On le regarde directement depuis Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Ça fonctionne sur tous les navigateurs ou pas, William? C'est juste un plugin Java et donc du coup ça passe partout, ça passe aussi sous D'accord. Linux. Ok. Donc voilà, donc si tu veux Et rajouter des choses par-dessus, si tu veux ouais, rajouter un moi, peu dessus. en fait, moi, ce que. Bah, alors, déjà, Tux Guitar, c'est juste le truc merveilleux pour les personnes qui essayent d'apprendre la guitare et qui ne peuvent pas financer Guitar Pro parce que Qui c'est un oui, qui doit logiciel. coûter 60-70 € je crois. Voilà. Et donc, y a beaucoup de tabs Guitar Pro maintenant sur les différents sites et c'est très agréable d'avoir une alternative. Et puis, pour moi, comme je suis guitariste à mes heures perdues, j'ai. En fait. Bon, je vais raconter un peu ma vie, mais j'avais commencé donc seul à apprendre en tablature. Et par la suite, je me suis dit que j'allais prendre des cours de guitare avec un prof, un vrai prof. Il se passe qu'il y a trois possibilités en fait pour apprendre la guitare. Les tablatures, dont une grosse quantité de musiciens sont absolument contre cette manière d'apprendre, parce que on apprend effectivement très facilement un morceau. Mais alors pour après développer sa créativité et pour pouvoir soi-même composer ou improviser, c'est une catastrophe. Il y a un deuxième système qui est les accords universels. Je crois que c'est ça le nom. Donc c'est ce avec quoi j'ai appris avec mon prof de guitare par la suite. Et donc ça, je vous le conseille. En l'occurrence, je crois que sur guitare improvisation, c'est la manière avec laquelle on apprend. Du coup, c'est avec des lettres et enfin chaque note est transposée par une enfin est transcrite par une lettre et ça vous permet quand même de par la suite pouvoir composer, improviser donc c'est très intéressant. Et la troisième solution, mais qui est un peu plus pour un usage classique et de la guitare, c'est le solfège et les notes toutes connues. Donc guitare improvisation, c'est un peu une alternative justement comme tu le disais. À toutes ces tablatures qu'on trouve partout sur Internet, ça vous permet quand même d'avoir des connaissances, enfin des bases véritables en guitare. Et donc c'est ça qui est très intéressant. T'as d'autres choses à rajouter, William, ou pas? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Ok. C'est Jérémy, je nickel. sais pas si tu es musicien. Malheureusement, absolument pas. Je suis vraiment pas doué pour ce D'accord. genre de choses, mais j'ai toujours rêvé d'apprendre. Bah alors voilà, avec guitareimprovisation.com, enfin guitare-improvisation.com, tu pourras, si productive te laisse le temps de te laisse un peu de temps libre, tu pourras apprendre à jouer de la guitare et je crois de la basse, je me trompe peut-être. Donc assez facilement. J'enchaîne avec audio.com. Enfin c'est audio, je sais même pas comment ça se dit, c'est awdio.com. C'est un service web qui vous permet d'écouter en direct la musique qui est diffusée dans les boîtes de nuit et les salles de spectacle du monde entier. Donc il y a beaucoup de salles très prestigieuses qui sont connectées en direct sur audio. Donc j'en ai noté quelques-unes, par exemple des boîtes sur Paris, il y a le Rex, le Queen, le Baron, le Social et puis plein d'autres. Donc les auditeurs écoutent la musique comme s'ils étaient sur place. Et la qualité est franchement plutôt bonne. Et en général, je suis assez difficile pour ça, mais elle est très raisonnable. On peut donc l'utiliser, par exemple, pour des soirées ou des choses comme ça. Et l'intérêt par rapport à beaucoup d'autres services qui proposent des playlists ou des choses comme ça pour des soirées, c'est que là, déjà, il n'y a pas d'interruption entre les musiques puisque c'est prémixé. Et surtout, c'est une qualité musicale quand même plus évoluée. Et c'est des mix. Du coup, vous ne le retrouverez jamais ailleurs. C'est du live. C'est inédit à chaque fois. C'est des grands DJ, ou enfin, ça dépend des soirées, mais il y a en général des grands DJ qui mixent. Je vous le conseille pour les soirées. C'est sûr qu'on va pas écouter ce genre de stream quand on est seul chez soi, où il faut vraiment être fan de ce genre de musique. Mais pour les soirées, ça fonctionne très bien. Il suffit de brancher un ordinateur connecté à Internet sur des enceintes et c'est plutôt agréable pour danser et pour ça. Est-ce que vous serez, enfin William et Jérémy, vous seriez potentiellement utilisateur de ce genre de service? Moi, oui. Je l'ai essayé un petit peu et c'est vrai qu'il est pas mal. Bon, il nécessite une inscription, mais bon, c'est gratuit, donc c'est vraiment pas gênant. Et il est vraiment superbe, quoi. J'ai écouté des petits mix et pour les soirées, comme tu dis, c'est génial. On n'a pas besoin de se soucier. Est-ce que je dois faire une playlist comme ci, comme ça? On écoute et puis voilà. C'est vraiment très bien. Et toi, Jérémy? Et moi, je suis vraiment absolument fan de ce genre d'idée, et on en parlait pendant la préparation de l'émission. Donc, il y a un super avantage pour ce genre de site, c'est que voilà, ils font le travail pour nous, ils font le travail de DJ de la soirée, donc c'est très appréciable. Et néanmoins, en fait, il faut s'apercevoir que fait ça chez soi, dans sa cave, etc., les connexions sont mauvaises, et ce sont des sites qui consomment quand même extrêmement de bandes passantes, en fait. Donc, faut relativement faire attention, mais pour continuer dans le même domaine, il y a un site qui s'appelle playlistnow.fm et qui lui permet d'en fait d'inscrire son humeur. Donc, par exemple, je fais une soirée pour le Nouvel An, je me repose dans mon jardin et ça sort une playlist automatique En fonction de qui, notre en recherche. fonction de son humeur. Donc, il y a pas mal d'originalité en ce moment sur la musique sur Internet, et pourtant on se disait que tout avait été fait en fait. Mais alors ça, pour le coup, j'ai pas pu le tester. Est-ce que tu as testé deux, trois recherches un peu particulières? Ça fonctionne vraiment bien ou pas? Alors, là où il est intéressant, c'est que il me semble qu'ils sont en bêta, et donc à terme, les utilisateurs créent leur propre playlist. Donc, ça va permettre de constituer une base de données, on va dire, de plus en plus grande. Après, là, le site a été fait par, enfin, les playlists ont été faites par un DJ, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'ambiances très classiques. Donc, pour les ambiances originales, il faudra peut-être attendre encore un peu. Il doit y en avoir, mais j'ai pas à chercher plus que ça. Mais on reste sur des thèmes très, on va dire très communs, mais qui décrivent très bien, par contre, les différentes situations Et le de la vie. module de recherche fonctionne bien, je suppose. Enfin, il n'y a pas de. En fonction de nos recherches, on a véritablement quelque chose qui correspond. Alors là où il est pas mal, le module de recherche, c'est justement si, par exemple, bah, c'est en anglais, donc si je tape I am working, il va me sortir toutes les playlists où il y a le mot working, donc ça va être je travaille dur, ou alors j'ai pas envie de travailler. Ou j'ai envie de travailler mais je suis fatigué. Donc il est plutôt bien pensé ce site. Et je crois qu'ils vont ajouter des fonctionnalités, donc justement pour mixer les morceaux, pour laisser tourner en fait, donc par exemple en soirée ou lors d'événements. Ah, c'est plutôt Donc bien. à surveiller aussi. Et, bon, il est encore on va dire à aboutir, mais ça semble très intéressant. Moi, j'ai une petite question justement sur ces différents. Enfin, c'est une question ouverte, il n'y a pas forcément de réponse qui sortira de cette émission. Mais par rapport à audio, en l'occurrence, parce que je ne sais pas comment fonctionne PlaySnow, mais le modèle économique, le business qu'ils font, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a absolument aucune pub sur ce service. Il y a jamais d'interruption, aucune pub, il n'y a jamais rien. Je vois absolument pas où est-ce qu'ils touchent leur argent en fait. Je crois que personne ne le voit en fait, non? Mais non, mais c'est ce qui est magique parce que le site en lui-même, je crois pas avoir vu spécialement de pub. Les boîtes de nuit, je suppose que c'est pas elles qui payent pour avoir un streaming. Enfin, je vois pas. J'en ai aucune idée en fait de où ils gagnent leur argent. Donc c'est une question qui cherche pas forcément de réponse, mais en tout cas. C'est vraiment très impressionnant de voir que des entreprises comme ça fonctionnent, tournent, parce que Audio, ça fait un petit bout de temps maintenant que ça tourne. Enfin, moi, je connaissais ça depuis longtemps. Enfin, merci de proposer des services comme ça qui fonctionnent et auxquels on n'a pas comme Spotify ou Deezer, des pubs qui nous arrivent dans la tronche tous les deux morceaux. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir, hein, c'est pas forcément. Faudra leur demander en fait, hein. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. William, je te laisse la parole pour la suite. Oui, donc nous allons parler de NoWatch.tv The Lab. Donc c'est un petit peu une mise à jour de ce qu'on avait parlé lors de la précédente édition, donc l'édition spéciale. Donc la partie The Lab, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie expérimentale du projet NoWatch. Donc c'est là un petit peu que on va avoir des choses un peu plus un petit peu différentes, disons, et qui vont bénéficier de l'audience du projet NoWatch qui est un commence à devenir un très gros projet. Et donc là, ça a été le lancement donc de Tom, Tonight on Mars, qui est sorti, alors normalement c'était cette semaine, et qui du coup est monté dans le classement iTunes très très très vite. Il est monté dans les 6 premiers vidéos, si je ne me trompe pas, et Oui. dans les 15 premiers, tout podcast confondu. Mais enfin, c'est ce qu'on disait avant l'émission, encore une fois, avec toi, William. Ce qui est plutôt très intéressant avec ce The Lab, c'est que n'importe quel projet qui va rentrer dans ce laboratoire, on va dire ça comme ça, va bénéficier en fait de l'audience NoWatch en général. Du coup, comme on l'a vu avec Tonight on Mars et comme avec le fonctionnement d'iTunes à l'heure actuelle qui est de dire c'est en fonction des nouveaux inscrits qu'on va classer les podcasts, Tonight on Mars a bénéficié en une journée de l'affluence de tous les auditeurs, enfin tous les visionneurs de NoWatch qui ont été directement s'inscrire sur ce podcast. Du coup, ils ont été classés très très rapidement. Dans le haut du classement iTunes, pour une durée qui effectivement sera peut-être pas très longue, parce qu'ils vont forcément redescendre aussi rapidement qu'ils sont montés, parce qu'ils ne vont pas bénéficier non plus d'une montée d'audience constante. Mais rien que le fait d'être classé comme ça sur la page d'accueil iTunes 6e des podcasts vidéo va leur permettre de gagner énormément en publicité. Et du coup, c'est le principe même de NoWatch, c'est de permettre donc non seulement de partager le matériel entre les différents podcasts vidéo, mais surtout d'aider les podcasts à avoir un démarrage plutôt intéressant, quoi. C'est un peu ce qu'on a vécu en fait avec l'édition spéciale de la semaine dernière, que ce que je disais au début de l'épisode, c'est que le simple fait que Jérôme Kemborg en parle sur sa timeline et que du coup NoWatch aussi en parle, enfin voilà. On a eu une affluence qui battait des records pour nous. Enfin, c'est à notre niveau, mais c'est fou. Et ça c'est l'intérêt de NoWatch. C'est une communauté en plus française qui permet d'avoir une affluence, franchement, qu'on n'aurait pas eu seul, il faut le dire, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. On n'a pas précisé par contre aussi le sujet Ouais, donc du Tonight, mais podcast. oui, parce C'est que tout je suis simplement parti. les sorties DVD et Blu-ray finalement qu'on a actuellement. C'est l'actualité du cin ouais des sorties, mais c'est pas l'actualité du cinéma en général, c'est uniquement Blu-ray, Oui, DVD, c'est ça? c'est les sorties DVD Blu-ray et inévitablement, du coup, ils dérivent un petit peu sur le cinéma puisque évidemment les films sont sortis généralement là-bas en premier, mais ils restent plutôt sur les DVD et Blu-ray et je pense, si je me trompe pas, qu'ils vont s'orienter un petit peu plus aussi sur les bonus, plus tard les bonus des DVD, Ouais, mais c'est ça. pas J'ai cru voir. trop, pas trop quand même. Et puis je trouve que le Je sais pas comment on peut dire, mais le style visuel du podcast est plutôt sympa. Rien que leur couleur, leur manière de présenter dans le podcast avec les mains qui amènent, c'est très agréable à regarder, je trouve. Je sais pas si tu l'as regardé, parce que voilà, je l'ai pas dit. Il y a l'épisode zéro, enfin le prototype en gros qui est sorti et qui est accessible donc soit depuis www.tonightonmars.com, soit depuis nowatch.tv, soit directement sur iTunes. Vous tapez nowatch.tv, vous avez tous les podcasts Nowatch et il y a Tonight on Mars. Et je trouve, je sais pas si William tu l'as regardé, que Si, je vais le regarder. style visuel, enfin ils ont directement pris un style bien à eux et vraiment très agréable. On sent quand même que derrière il y a des gens qui ont déjà fait du podcast vidéo et que c'est pas du tout des amateurs, quoi. Bah, c'est vrai que Dr. No, par contre, était plus à l'arrière de la caméra généralement. Mais par contre, mais il s'en sort bien. Je trouve qu'il est plutôt à l'aise. Et bah, John Pliskin, évidemment, dans Scuds, par exemple. Bon, voilà, le podcast vidéo, il a plus de soucis. Maintenant, il est habitué. Mais non, c'est vrai, c'est assez convivial. Ils sont assez à l'aise. C'est agréable. Ça se regarde très, très bien. Donc voilà, donc Tonight on Mars. Jérémy, est-ce que tu es un no-watcher? Moi, je regarde pas mal Geek Inc. de Cédric Bonnet. Je crois que c'est dans le réseau No Watch, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais, J'ai un c'est peu exact. suivi leur Twitter. Et Jérôme Kainborg, que je suis pas mal aussi, qui est assez intéressant comme podcasteur. Ouais. Non, donc, bonne initiative. Et puis, ça permet de lutter un peu contre la façon dont iTunes sélectionne aléatoirement aussi dans ce Ouais. thème un peu The Lab, il me semble. Bah, en fait, ils ont pris. Parce qu'effectivement, à la base, le système d'iTunes est foncièrement nul. Excusez-moi, mais c'est une sélection qui se fait sur des choses vraiment pas intelligentes. Et ils ont réussi je sais pas, à rendre ça intelligent, puisque la communauté fait que, du coup, les podcasts intéressants que No Watch présélectionne et intègre dans The Lab sont directement accessibles pour un grand nombre de personnes. Du coup, No Watch, vraiment, là, a eu une très très très bonne idée et ça fonctionne plutôt bien. Bon, je crois que là, pour les différents projets de ces 2 dernières semaines, on va s'arrêter là. Je vais commencer donc avec toi, Jérémy. On va parler de productive.com, qui est ton entreprise. Enfin, ton entreprise, tu fais partie de cette entreprise. Exactement. Donc, est-ce que d'abord, avant tout, tu peux te présenter aux auditeurs ce que tu as fait comme études, tes hobbies, enfin, tu présentes ce que tu veux, hein, mais et ton poste à l'heure actuelle chez Productive. Alors, pas de souci. Donc, moi, c'est Jérémy Ankawa. Je suis originaire de région parisienne. Donc, concernant mes études, j'ai toujours été fan de nouvelles technologies, Internet, business model en rapport. Donc, logiquement, je me suis lancé dans des études en école de commerce. Donc, j'ai étudié à EM Lyon, pour ceux qui peuvent connaître. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à intégrer l'équipe de Productive pour m'occuper du développement en France de notre activité. Donc ça passe par faire des partenariats avec aussi bien des entreprises, des universités, mais également s'occuper de toute la partie promotionnelle. Donc ce que je suis en train de faire actuellement. Donc D'accord, ouais. ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, en fait, moi j'étais déjà bêta-testeur de Ah, Productive. d'accord. Et voilà, Et tu as j'ai été adoré le intégré par projet. la Et suite. quelques mois après, me voilà D'accord. avec eux. Ok. Donc oui, tu fais maintenant partie de l'équipe productive. Est-ce que tu peux donc déjà nous présenter véritablement le projet, parce que ça n'a pas été fait? Et ensuite, bon, je te poserai d'autres questions après. On va faire comme ça. Déjà, est-ce que tu peux présenter véritablement le projet et en quoi ça consiste? Donc, très simplement, en quelques mots, Productive est un outil, donc une application web qui permet de gérer et d'optimiser ses tâches, donc la gestion de ses tâches et le travail avec ses collaborateurs. Pour mieux comprendre, ça vient en fait le créateur Ilan travaillait à Zlio.com et lui était country manager aux USA et il arrivait pas à enfin il avait du mal à communiquer avec les autres country managers et son patron. Donc très simplement, ça vient de ce besoin-là C'était pour et donc améliorer la communication au sein de son entreprise. Enfin, un peu ça. exactement, faciliter la communication. Donc, ce qui distingue Productive, très simplement, c'est qu'on intègre parfaitement l'outil email à la façon de gérer ses tâches avec Productive. Et surtout, on s'adapte aux besoins modernes des travailleurs modernes. Donc, on va dire ce qui distingue très fortement, c'est qu'on a un set d'applications mobiles. Donc, pour Nokia, Android, iPhone et très bientôt Ah bah BlackBerry. voilà, justement, hein. Moi, pour le coup, j'ai été très énervé en voyant ça, parce que BlackBerry, pour le moment, fonctionne uniquement via un service de mail, et c'est le seul smartphone, Ordiphone, excusez-moi, Oui, Ordiphone. j'ai dit un mot qu'on n'avait plus le droit de dire en France, le seul Ordiphone. Ordiphone qui ne fonctionne pas encore, parce que je suppose que ça va arriver, avec Productive. Et alors ça, c'est une petite gueulante quand même. Ouais, Moi, c'est vrai, c'est vrai. il va falloir que vous arrangiez ça rapidement, parce que non, mais plus sérieusement, c'est pas grave, puisque en plus vous avez une alternative. Mais BlackBerry étant quand même dans le milieu professionnel un produit pas mal utilisé, ça serait quand même quelque chose qui serait utile. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en fait, Android et BlackBerry ont des plateformes de développement très similaires, donc Ouais, c'est plus simple. ça va arriver très rapidement, et en tout cas, tous les jours, on travaille dessus, donc Non, mais et puis de ça toute va arriver. manière, je rassure les gens, ça fonctionne aussi très bien via. Ils ont une alternative en fait qui permet de gérer productif via un envoi de mail. Enfin, ça fonctionne. Enfin, je sais pas Pour si tu veux expliquer un peu l'expliquer. Ouais. ce qu'est le mail, en fait. puisque il me semble que justement quand tu testais le produit, en fait, c'est comme ça qu'on t'en a un peu parlé. Le mail, en fait, il vient de cette idée que quand on travaille avec ses collègues, on utilise le mail peut-être 40 ou 50 ou 100 fois par jour. Donc là, très simplement, avec Productive, on peut lier son mail à Productive. Donc, on envoie un mail, on met en copie ses collègues, on ajoute une pièce jointe, on peut rajouter une deadline ou le nom d'une box. Et tout ça, en fait, puisqu'on l'envoie à task@productive.com, ça Ça va va à être la fois ajouté. arriver directement sur ses collègues, sur le mail de ses collègues, et en même temps directement dans son interface Productive. Donc Productive Voilà. gère l'email et l'intègre après à Alors, l'interface. voilà, c'est ça. Si, c'est ça. Productive Ok. gère parfaitement l'intégration à l'email, en fait. D'accord, bah c'est bon. Donc c'est une plutôt belle alternative pour les utilisateurs de BlackBerry. Et de toute manière, ça ne saurait tarder apparemment l'application véritablement BlackBerry. L'application native, ouais. Mais on a déjà des applications sur iPhone, Voilà. Android et Nokia, donc. Et Nokia, d'accord. Ok. Donc bah moi j'ai eu encore une autre question. C'est donc sur le site Productive, il y a les différents packages en gros. Donc il y a le free star pour les students ou le basique qui est free aussi. Il y a individual premium pour 5 dollars par mois pour 3 utilisateurs. Il y a le business qui est pour 10 utilisateurs. Et puis ensuite il y a silver et gold qui sont pour 30 et 100 utilisateurs. Donc c'est adressé pour en gros star, je crois, pour. Enfin, les étudiants, donc les students, le premium pour les entreprises individuelles ou auto-entrepreneurs, business pour, je dirais, des PME avec le silver aussi, et gold des groupes, enfin des entreprises plus importantes, c'est bien ça. Ouais, les grands groupes, justement, les PME, mais surtout nous, on cible les équipes, donc les équipes de 15, 20, 30 personnes au sein des grands groupes. Productif, très clairement, l'optique, c'est de rester dans une équipe de gens qu'on va croiser, mais avec qui on aura la chance de parler, bah, pas tout le temps, parce qu'ils vont être en réunion à droite, à gauche. Donc, c'est ça, en fait, l'optique de Productif, c'est les grands groupes, mais les équipes, ça va pas être pour gérer 500 personnes. Ça va être pour gérer 30, 20, 15 D'accord. personnes. Ok. Bah justement, les équipes comme William et moi-même, puisqu'on a pu tester Productive, et pour la préparation de nos émissions, on en a en parallèle, on continue à utiliser Google Wave, mais pour les tâches en elles-mêmes, on utilise Productive et du coup, permet d'organiser mieux nos tâches, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré petit bazar, notre organisation. Enfin C'est bon. vrai. Et là où en fait Productive se distingue, c'est justement quand enfin je te parlais de simplicité par rapport à la productivité, ben, c'est pas qu'un mot, c'est au quotidien. Alors typiquement, je vais ajouter une tâche, je vais pouvoir Ça se l'ajouter fait vraiment en 3 secondes ça se sur fait Productive. ouais en deux il y a allez 3 clics donc ouais 3 secondes Voilà. c'est ça. Je tape direct et ça va arriver dans une box que je pourrais redistribuer après. Donc l'idée, c'est par exemple, je vais être en réunion. Et puis on va discuter de choses et d'idées intéressantes et hop, sans me détourner de ma réunion, je vais rentrer les 3 idées Dans une à la box ouais. rapidement. Donc ça, c'est pour donner un exemple de Ouais, parce... simplicité qu'on a voulu donner, en fait, ouais, donc il y a, au en petit. fait, pardon, il y a un système de box, donc en fait, dans lesquels on met les différents, c'est des groupes d'idées en fait, et à l'intérieur, on organise absolument comme on veut, et tout ça se fait dans une interface vraiment agréable. Je sais pas si on va rentrer dans les termes techniques, mais c'est de l'Ajax, je suppose, ou des choses comme ça. Ajax et ouais, Ajax, il me semble que ouais, moi je suis pas la Ouais. partie technique, mais on travaille en Ajax, PHP, le site c'est PHP, Ajax et JavaScript. Donc D'accord, ouais, donc c'est. Voilà, le simple fait qu'il y ait de l'Ajax, vous comprenez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est très fluide. On a l'impression, en fait, ça ressemble beaucoup à une application native. Hein, c'est une application web cloud qui fonctionne comme. Je sais pas, on a l'équivalent chez Google Documents ou les choses comme ça. voilà, c'est l'idée exactement. Ah bah voilà, donc en gros c'est véritablement fluide et on voit pas véritablement de différence entre une application native et ça. La seule différence c'est qu'on peut l'utiliser où on veut, quand on veut et très rapidement. Et c'est important de dire ça parce que c'est la philosophie de Productive, de surtout pas mettre ça sur logiciel Bah c'est et de mettre du cloud. ça dans le cloud. Ouais, vous êtes cloud computing quoi. Voilà. Et pour reprendre ce que tu as dit, tu disais non, on utilise Google Wave en fait, et c'est intéressant puisque la partie sur laquelle on va vraiment, sur laquelle on commence à travailler à partir de 2010, c'est l'intégration avec en fait, des interfaces tiers. Donc par exemple, ça va être un module pour Outlook, donc pour travailler encore plus simplement avec son Outlook. Ah Donc ouais. ça, c'est pour la partie professionnelle qui est très intéressante. Avec iCal ou Google Calendar, en fait, on est en train de construire des modules, des programmes d'intégration pour continuer en fait à intégrer un tas de services qui sont des services de productivité. Ok. Donc Donc productif, c'est ça. C'est peut-être un. l'intégration de services de productivité. D'accord. Donc peut-être un module pour Google Wave. Alors déjà, quand Google Wave existera vraiment. Ouais, mais bon, ça officiellement il existe. On est beaucoup à l'utiliser maintenant. Voilà, mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de projet de programme avec lequel on cherche à s'intégrer parce que c'est très utile pour travailler. Voilà, et moi j'avais deux, trois petites questions, bah, du coup, en rapport à ce que tu viens de me dire. Parce que je voulais te demander comment tu voyais les éléments de Google. Donc il y avait Google Calendar, Google Wave, par exemple, qui est encore en bêta, c'est vrai, mais les inscriptions maintenant sont bien présentes. Est-ce que tu les voyais justement comme une concurrence, etc. Et puis bah, finalement, tu viens un petit peu de me répondre. Et non, tu les vois pas comme une concurrence, tu veux plutôt les intégrer et être partenaire finalement avec eux, c'est bien ça? Voilà, en fait, ça vient aussi d'une réflexion qu'on s'est nous-mêmes faite à Productive. Est-ce qu'on veut centraliser et faire que les gens vont devoir venir sur Productive pour travailler, ou est-ce que nous, on veut rester dans cette simplicité? Donc le choix, elle est dans le sens de, on va s'intégrer à des outils qui servent déjà. Donc comme j'ai dit, on a une intégration qui est prévue à Outlook, mais ça va être à Google Docs, c'est dans la roadmap, et à Google Calendar ou iCal. Donc c'est exactement ça en fait. Et sinon aussi, je voulais demander par rapport à la grille. Donc en fait, donc, je la trouve vraiment très simple. Donc il y a vraiment la partie donc étudiante qui est gratuite. Donc les autres, donc pour les particuliers, pour les entreprises, c'est vraiment très clair. Mais par contre, il y a juste une chose que je me disais, c'est qu'au niveau des offres entreprises, je vois 1 giga de stockage, mais c'est pas un peu faible par contre pour justement pour les entreprises? Donc en fait, on a privilégié l'espace pour gérer ces documents, surtout et d'autant plus que c'est un espace que les entreprises finalement ne nous ont pas demandé, puisqu'elles n'en ont pas besoin, elles ont besoin d'envoyer des petits documents. Donc c'est surtout pour cette raison. Ok. Bon, William, est-ce que tu as d'autres questions avant de clôturer? Parce que je pense que là, on arrive à 37 minutes et les auditeurs se sont plaints, entre guillemets, de la durée de nos émissions. On va essayer donc de réduire. Est-ce que, William, tu as d'autres questions? Non, là c'est plutôt pas mal. Ok. Et surtout, ça va être très dur là de pouvoir continuer en qualité. Ouais. Ouais, donc excusez-nous, les auditeurs, on a des petits problèmes techniques au niveau de Skype. Décidément, Skype n'est pas notre ami entre Jérôme Quimborg la dernière fois et là, Jérémy, ça fait exactement le même type de choses. Donc, je pense qu'on va clôturer l'émission ici. En tout cas, merci à toi, Jérémy, d'avoir pris le temps de venir présenter ton projet en notre compagnie. Tu peux revenir quand tu veux, il n'y a aucun souci. Et alors, je vous rappelle deux, trois choses avant de terminer. Vous pouvez donc évidemment nous retrouver toujours sur notre blog, donc www.lesprojetsduweb.fr. Vous pouvez laisser des commentaires dessus et aussi sur iTunes Store. Je rappelle juste une dernière fois nos Twitter, parce que ça fait, on les avait pas rappelés la dernière fois. Moi, c'est MATTOURNESAC, donc Matt Tournesac. Camphis, je te laisse dire le tien. Alors, mon Twitter est KHAMPHIS. Jérémy, est-ce que tu peux te dire le tien si la qualité le permet? Alors, mon Twitter, c'est Jiankawa, Jiekaoua. Ok, bon, Jiencaoua. C'est Aoua, exactement. Je voulais juste donc vous rappeler effectivement que vous pouvez nous laisser des commentaires. Surtout, n'hésitez pas parce que ça fait, on n'a jamais eu de message, mais vous pouvez nous envoyer vos commentaires audio sur notre répondeur téléphonique au 01 77 45 50 96. Et donc sur ce, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode numéro 6. Salut à tous, au revoir William. Salut à tous. Et à dans 15 jours alors. Salut!